السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهما الله في كتابه موعظة النساء فتنة النساء وضرر الاختلاط. Nous allons reprendre à la page 19 du livre le trouble que représentent les femmes et la dangerosité de la mixité. إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة وإرشاداته الحميدة صان المرأة المسلمة وحفظ لها شرفها وكرامتها وتكفل لها بعزها وسعادتها وهيأ لها أسباب العيش الهنيء بعيدا عن مواطن الريب والفتن والشر والفساد. لوتر حفظه الله تعالى ندي إلى religion musulmane de par ses nobles enseignements et sa noble guidée a orienté les femmes vers ce qu'il y a de bien et l'a préservée contre tout mal. Elle a préservé sa noblesse, elle a préservé son bonheur et son élévation et lui a préparé une bonne vie. Loin de tout endroit où on pourrait la soupçonner de mal, loin de tout trouble, loin de toute ambiguïté, de tout mal. هذا كله من رحمة الله جل وعلا بعباده حيث أنزل لهم شريعته ناصحة لهم ومصلحة لفسادهم ومقومة لأعواجهم ومتكفلة بسعادتهم ومن ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى من التدابير من التدابير العظيمة والإجراءات القويمة التي تقطع دابر الفتنة بين الرجال والنساء. Tout cela n'est qu'une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, du fait qu'il leur a légiféré tout le bien, tout ce qui les réformera et tout ce qui les préservera des troubles et des tortuosités. Il a garanti pour eux le bonheur. Et parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiféré, et parmi la gérance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra ou bien qui vise à préserver les hommes et les femmes et qui coupe tout trouble entre eux et qui les aidera à s'éloigner du mal, wa tu'inu ala ijtinab al mubiqat al والبعد عن الفواحش المهلكات رحمة منه بهم وصيانة لأعراضهم وحماية لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Tout ce qu'il a légiféré, donc pour les préserver, Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette religion et cette législation a légiféré tout ce qui les éloignera des troubles, de la perversion, na'am, et de tout ce qui pourra causer leur perte comme turpitude. Tout cela pour préserver leur honneur dans ce bas monde et les préserver du châtiment et de l'humiliation dans ce bas monde et l'au-delà. والمرأة المسلمة تعيش في كنف الإسلام وفي ضوء توجيهاته وآدابه العظام عيشة هنيئة ملؤها السعادة والعز وطمأنينة والرفعة في الدنيا والآخرة. La femme musulmane vit sous l'ombre de l'islam, à la lumière de ses enseignements, de ses nobles caractères, de ses bienséances. Elle vit une vie heureuse. Elle est élevée, préservée. Elle a la sérénité et l'élévation dans ce bas monde et l'au-delà. Shi'aruha sitr wal'afaf wa ditharuha tuhr wa zaka wa rayatuha isha'atu al-adab wa tathbit al-akhlaq. وغاية صيانة الشرف وحماية الفضيلة. Puis l'auteur, hafidahullah ta'ala, nous dit que la femme musulmane a pour emblème la chasteté, le fait d'être pudique et préservé, le voile, la pureté, le comportement et le fait d'être raffermé sur les nobles caractères. Son drapeau qu'elle élève et tout ce qui vise à préserver sa noblesse. وستبقى المرأة المسلمة رفيعة الجانب وعزيزة المنال Et la femme musulmane ne cessera d'être élevée, d'être anoblie et considérée. سيّنة الأخلاق ما دامت متمسكة بدينها محافظة على أوامر ربها Et elle ne cessera d'avoir l'élévation, la noblesse et d'être préservée de tout mot tant qu'elle sera cramponnée aux ordres de son Seigneur muti'atan li nabiyha wa rasulihha sallallahu alayhi wa sallam li nabiyha rasulillah sallallahu alayhi wa sallam et tant qu'elle ne cessera de suivre son prophète le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam muslimatan wajhaha lillah mud'inatan li shar'ihi wa hukmihi et tant qu'elle ne cessera d'être soumise et sincère envers Allah azza wa jal obéissante envers sa législation et son jugement. قَائِمَةً بِحُقُوقِ الْإِسْلَامِ وَوَاجِبَاتِهِ وَآدَابِهِ الْعِظَامِ بِكُلِّ رَاحَةٍ وَثِقَةٍ وَطُمَأْنِينَةٍ Et tant qu'elle ne cessera d'appliquer les préceptes de l'islam, d'obéir à ses ordres, à ses caractères, ses comportements, et le tout de la manière la plus détendue, avec une parfaite confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, avec un recueillement et un apaisement. غَيْرُ مُلْتَفِتَةٍ إِلَى الْهَمَلِ مِنَ النَّاسِ مِنْ دُعَاتِ الْفَاحِشَةِ وَالْفِتْنَةِ Elle ne prête aucunement attention à ceux qui l'invitent à se dévergonder au trouble, au mal. لِتَنَالَ بِذَلِكَ السَّعَادَةَ وَالرَّاحَةَ فِي الدُّنْيَا والآخرة وتنال الثواب العظيم والأجر الجزيل يوم لقاء الله تبارك وتعالى. Et pourquoi elle se comporte ainsi? Pourquoi elle se comporte ainsi? Pourquoi elle fait le bien? Pourquoi elle délaisse le mal? Elle n'accepte pas le prêche des égarés pour avoir le bonheur, la tranquillité, le repos dans ce bas monde et l'au-delà, et avoir la grande récompense lorsqu'elle rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala. وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالنساء إذا وقعت يترتب عليها من المفاسد والمضر ما لا يدرك مداه ولا تحمد عقباه ولهذا خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته خوفا عظيما وحذر صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من مغبتها أو مغبتها وسوء عاقبتها نصحا للأمة ومعذرة في بيان دين الله تبارك وتعالى ومعذرة في بيان دين الله تبارك وتعالى قد كان عليه الصلاة والسلام معلما أمينا وناصحا مشفقا فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. Et l'islam nous est venu, ou bien parmi ce que l'on trouve dans l'islam, il y a des choses qui nous montrent que le trouble que peut causer la femme et ses effets peuvent être très nocifs sur les gens. Et on ne peut percevoir la gravité de la finalité de cette affaire car cela est bien trop grave. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour sa communauté. Il a parfaitement conseillé ses compagnons, les musulmans et sa communauté. Et c'était, comme on le sait, un parfait enseignant de confiance et qui avait de la compassion pour nous. Il n'a donc pas délaissé un bien dans lequel il y a le bien pour sa communauté sans nous y inviter, ni un mal dans lequel il y a le mal pour sa communauté sans nous mettre en garde. رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ورواه مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. L'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, rapportent, selon Usama ibn Zayd radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai laissé après moi de fitna, de trouble, plus nocif pour les hommes que les femmes. Il n'y a pas une fitna plus grave et dangereuse que j'ai laissé après moi pour les hommes que les femmes. Et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte, selon le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez ce bas monde et craignez les femmes, car le premier trouble qui a eu, le premier trouble qu'ont eu Banu Israël était par les femmes. Wal ahadith an nabiyyina صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا في هذا الباب العظيم صيانة للمجتمع والأمة ومحافظة على المرأة ورعاية لها. وهذه الأحاديث وغيرها مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بحق سمام أمان للمرأة وبيتها ولمجتمعها بأسره من أن تحل به الرذيلة أو أن ينشر أو ينتشر أو أن ينتشر في شر والفساد. Et les récits prophétiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreux dans ce sujet afin de préserver la société, la communauté, de préserver la femme et d'en prendre soin. Et ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres provenant de lui sont en toute vérité une protection et une préservation et une garantie pour la femme ainsi que son foyer, pour sa société, na'am, afin qu'elle ne soit pas touchée par les troubles, la bassesse et les mauvaises choses, et afin que le mal ne soit pas propagé. فإن المرأة متى تمسكت بتعاليم الإسلام ساعدت أو ساعدت في الدنيا والآخرة وساعدت في بناء مجتمع قوي متماسك نزيه مليء بالطهر والعفاف. فإن تخلت عن هذه التعاليم تردت في مهاوي الرذيلة وسقطت في حمأة الفساد وفقدت كرامتها ومكانتها ومنزلتها الرفيعة. في الأوتاق حفظه الله تعالى نجي: si la femme s'accroche aux enseignements de l'islam, elle obtiendra le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà. Et elle aidera à former une noble société forte, puissante, purifiée et chaste. Alors que si elle délaisse les enseignements de l'islam, elle tombera dans les profondeurs du mal, des mauvaises choses. Elle tombera dans les troubles, elle perdra sa noblesse, sa dignité et l'élévation qui lui avait été auparavant accordée. فإنها إن تلوثت بالرذيلة جلبت العار والشنار لنفسها وأهلها. Et si elle tombe dans les turpitudes, alors elle se sera attirée la honte et les mauvaises choses tant sur sa personne que sur sa famille. وقرابتها, et ses proches. ونكست رؤوسهم وحطت من أقدارهم بين الناس. Ils seront alors contraints de marcher la tête baissée et leur rang s'écroulera auprès des gens. وإن حملت من ذلك فقتلت ولدها جمعت بين القتل والزنا. Et si elle tombe dans les grands péchés et qu'elle tombe enceinte puis assassine cet enfant, elle aura alors uni entre deux péchés, le meurtre et la fornication. وإن أدخلته على زوجها وأهلها أدخلت عليهم أجنبيا ليس منهم يخلو بهم ويرثهم وينسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من المفاسد. Et dans le cas où elle garderait cet enfant, alors elle fera entrer un étranger auprès de son mari et de ses enfants. Alors elle fera entrer un étranger qui ne fait pas partie d'eux. Il restera en privé avec ses femmes qui ne sont pas ses sœurs. Il restera en privé avec des femmes de cette famille. Il héritera d'eux alors qu'il n'a pas le droit en réalité à l'héritage. Il sera affilié à eux alors que ça n'est pas le fils de cet homme. Et beaucoup d'autres choses qui font partie du mal découlant des turpitudes. وَمَنْ يَتَأَمَّلُ التَّارِيخَ عَلَى طُولِ مَدَاهِ يَجِدُ أَنَّ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ انْهِيَارِ الْحَضَارَاتِ وَتَفَكُّكِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَتَحَلُّلِ الْأَخْلَاقِ فَسَادُ الْقِيَامِ وَفُشُوِّ الْجَرِيمَةِ هُوَ تَبَرُّجُ الْمَرْأَةِ وَمُخَالَطُتُهَا لِلرِّجَالِ ومبالغة في الزينة والاختلاط وخلوتها مع الأجانب. Puis l'auteur nous dit, et celui qui médite sur l'histoire de, à toute époque, il verra que parmi les plus grandes causes qui ont anéanti les civilisations et qui ont apporté le mal aux sociétés, qui ont affecté leur comportement vers le mal et qui ont tout perverti, il y a le fait que les femmes se soient dévoilées, se soient mélangées avec les hommes, se soient embellies à l'extérieur, se soient restées en privé avec des étrangers. وارتيادها للمنتديات والمجالس العامة وهي في أتم الزينة وأبهى تجمل. Et le fait qu'elles prennent place dans des salons et dans des assises où il y a la mixité, alors qu'elles portent ses parures et s'embellit. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن تمكين النساء من الاختلاط من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أعظم أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. انتهى كلامه رحمه الله. Le grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit, il ne fait aucun doute que le fait d'avoir permis aux femmes la mixité avec les hommes est la grande base de tout le mal. Et c'est la plus grande cause qui fait que les châtiments descendent sur les communautés et de manière générale, touchent des gens de manière générale. Tout comme c'est une des plus grandes causes qui a fait que les affaires des gens, que ce soit en particulier ou en général, soient corrompues. La mixité des hommes avec les femmes est une grande cause pour les turpitudes, pour la fornication. C'est une cause pour les maladies mortelles et la propagation des épidémies. Ici s'arrête la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. « Wal-Islam lam yafrid alal » على المرأة الحجاب ولم يمنعها من تلك الأمور إلا يصونها عن الابتذال وليحميها من التعرض للريبة والفحش وليمنعها من الوقوع في الجريمة والفساد. Et l'islam n'a pas ordonné à la femme le voile islamique, ni ne l'a empêché de toutes ces choses précédemment citées, si ce n'est pour la préserver des mauvaises choses, pour la préserver des zones d'ombre, ou bien des choses douteuses, des turpitudes, et de tomber dans les crimes, les troubles et les pires des choses. وَلِيَكْسُوَهَا بِذَلِكَ حُلَّةَ التَّقْوَى وَالطَّهَارَ وَالْعَفَافِ. Et afin de l'habiller du vêtement de la piété, de la pureté et de la chasteté. وَسَدَّ بِذَلِكَ كُلَّ ذَرِيعَةٍ تُفْضِي إِلَى الْفَاحِشَةِ. Et ainsi, l'islam a coupé tous les chemins qui pouvaient faire tomber, ou qui pourraient faire tomber la femme dans les turpitudes. يقول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويقول تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ويقول تبارك وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن الآية ويقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال الله تعالى فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ici, l'auteur, Hafidhahullah Ta'ala, nous cite plusieurs versets pour nous montrer comment l'islam a préservé la femme et l'a éloignée de toutes les limites qui pouvaient la laisser tomber dans le mal, la turpitude et la désobéissance d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Donc, la traduction des différents versets, le verset 33 de Suratul Ahzab. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la jahiliya, d'avant l'islam. Toujours Suratul Ahzab, le verset 53. Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-leur de derrière un rideau. C'est plus pur pour vous, c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Ici, on s'adresse aux croyants et il s'agit des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous avez à leur demander quelque chose, demandez-leur de derrière un voile, un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Dans Sourate An-Nur, verset 31, il dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, qu'elles rabattent sur leur voile ou qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Dans Suratul Ahzab, verset 59, au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Suratul Ahzab, verset 32, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. وروى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والمرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ومعنى استشرفها الشيطان أي جعل عرضة أو عرضا له ليهيج من خلالها الفساد والشهوة. الإمام الترمذي nous rapporte un hadith, c'est le hadith d'Abdullah ibn Saoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme est une awra. L'awra, c'est la partie à cacher. Fa'idha kharajat, lorsqu'elle sort, istashrafa shaytan. Puis l'auteur, hafidhahullah ta'ala, explique ce que signifie istashrafa shaytan. C'est-à-dire qu'il en fait, il l'utilise en tant que cause pour semer le désordre et pour attiser les envies et les passions. وعن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجدك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. أخرجه أحمد في مسنده. Une femme dont la kunya est Umm Humayd al-Sa'idiyya radiallahu anha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, j'aime tant prier avec toi. Il lui a dit: je sais que tu aimes la prière avec moi, c'est-à-dire venir prier dans ma mosquée, mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière lui. Mais ta prière que tu effectues dans ton foyer, chez toi, est meilleur pour toi que la prière que tu feras dans la partie ouverte de ta maison, comme le toit par exemple. Et ta prière que tu feras dans la partie ouverte de ta maison, ou plutôt la prière que tu feras dans ta pièce personnelle, sera meilleure que la prière accomplie dans ta maison. Et la prière que tu feras dans ta maison sera meilleure que la prière que tu feras dans la mosquée de ton quartier. Et la prière que tu feras dans la mosquée de ton quartier sera meilleure pour toi que la prière que tu feras dans ma mosquée. C'est-à-dire, plus la femme prie dans sa pièce particulière, privée, meilleur c'est pour elle. Qu'elle prie dans sa chambre, c'est meilleur que de prier dans son salon. Naam. Qu'elle prie dans son salon, c'est meilleur que de prier dans la mosquée de son quartier. Et qu'elle prie dans la mosquée de son quartier est meilleur que de prier dans la grande mosquée. Naam. En l'occurrence, ici, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خرجه مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: le meilleur des rangs pour les hommes, c'est-à-dire la prière, est le premier, et le pire est le dernier. Alors que le meilleur des rangs pour les femmes est le dernier, et le pire est le premier. كل ذلك حفظا للمرأة من الاختلاط بالرجال ومزاحمتهم وهذا في حال العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة أبعد ما يكون عن وسوسة الشيطان وإغوائه فكيف إذن بالأمر في الأسواق والأماكن العامة والمنتديات. ولما دخلت على عائشة رضي الله عنها مولاتها وقالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. قالت لها ذلك مع أنها في أشرف مكان وخير بقعة، مكان طاعة بجوار الكعبة، فكيف الأمر بمن تزاحم الرجال في الأسواق والأماكن العامة والمنتديات وهي في كامل زينتها وأجمل حليتها وأبهى تعطرها. Oui, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous explique pourquoi est-ce que le meilleur des rangs pour les femmes c'est le dernier et le moins bien est le premier. Il nous dit tout cela pour préserver la femme de la mixité et d'être proche des hommes. Si ceci est valable pour l'adoration, pour la prière, alors que le musulman et la musulmane sont dans la situation la plus éloignée des insufflations du shaitan. C'est-à-dire quand l'homme et la femme sont en prière, c'est le moment où ils sont le plus éloignés. Naam. Des ruses du shaitan et de ses insufflations. Alors que dire alors lorsqu'elle se trouve au marché ou dans les endroits fréquentés ou dans les salons, dans les places où les gens prennent place, dans les endroits où les gens prennent place. Et lorsque la servante de Aïcha est entrée chez elle et a dit « Oh la mère des croyants », c'est adressé à Aïcha. J'ai fait At-Tawaf, j'ai tourné 7 fois autour de la Kaaba. Et à chaque fois arrivé au Rukn, j'ai pu toucher 2 fois ou 3 fois Al-Rukn, le pilier. Aïcha lui a dit « Qu'Allah ne te récompense pas, qu'Allah ne te récompense pas. Tu obstrues le chemin aux hommes. Pourquoi n'es-tu pas passé et n'as-tu pas tout simplement dit Allahu Akbar, puis continuer ton chemin ?» Aïcha lui a dit cela alors qu'elle se trouvait dans le meilleur endroit au monde. Naam, elle était fi Masjid Haram, près de la Kaaba, dans un endroit d'adoration. Et elle avait pour voisinage Al-Kaaba. Que dire alors de celle qui se mélange et qui obstrue le chemin des hommes dans les marchés et dans les endroits fréquentés, dans les endroits publics, dans les salons, alors qu'elle porte ses plus beaux vêtements, qu'elle s'embellit et se parfume. Voici concernant la mixité. Puis l'auteur nous dit « Ibratun azimatun min qissati sahabiyatin karima » des leçons sublimes à tirer de l'histoire d'une des femmes parmi les compagnons, d'une noble femme parmi les compagnons. هذه عبرة عظيمة وفائدة جليلة ثمينة نفيدها من قصة صحابية فاضلة وهي تحكي خبر إسلامها ونبأ دخولها في هذا الدين وبداية حياتها في الإسلام. Cette magnifique histoire et ces nobles informations, nous les tirons de l'histoire d'une femme chez les compagnons qui nous raconte le début de son islam, lorsqu'elle est entrée dans la religion, le début de sa vie en tant que musulmane. Tilkum hiya Qaylatu bintu Mahrama at-Tamimiyya. Cette femme se nomme Qayla bint Mahrama at-Tamimiyya. رضي الله عنها وقصتها طويلة رواها الطبراني بتمامها في كتاب المعجم الكبير. Cette histoire est longue. نعم. Cette histoire est longue, mais ici l'auteur l'a cité de manière concise. Lorsqu'elle est arrivée à Médine, elle est entrée dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان ذلكم الدخول كما روت رضي الله عنها وقت صلاة الفجر. Elle est arrivée à Médine au moment de la prière du Fajr. C'est alors qu'elle est entrée dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويصلي بالمؤمنين. Elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمؤمنين. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière pour les croyants. والصفوف خلفه قائمين لأداء هذه الصلاة العظيمة. Et les gens étaient en rang derrière lui afin d'accomplir cette grande prière. قالت رضي الله عنها. Elle nous dit qu'Allah soit satisfait d'elle. قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس صلاة الغداء. وقد أقيمت حين شق الفجر والنجوم شابكة في السماء والرجال لا تكاد ta'arafu min dhulmatil layl. Elle nous décrit l'éclairage qu'il y avait à ce moment. C'est la prière du Fajr, donc il faisait sombre et les hommes ne pouvaient quasiment pas se reconnaître du fait qu'il faisait sombre. Fa safaftu ma'ar rijal. Elle dit, je me suis donc aligné et je suis entré dans le rang avec les hommes. Vous avez compris la situation? C'est la prière du Fajr, elle entre dans le masjid. Elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et derrière elle les croyants. Naam, il fait sombre. Elle entre dans le masjid, elle rentre dans le rang, elle se met à côté d'un homme. امرأة حادثة عهد بجاهلية. Elle dit, je n'étais qu'une femme qui venait de sortir du paganisme. Je venais de me convertir. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça? Hein? C'est l'excuse qu'elle donne à son agissement. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait pas les règles de l'islam, que les femmes devaient prier derrière les hommes et ainsi de suite. Elle nous dit, imra'atun, je n'étais qu'une femme. Ma'adha, hadithata ahdin bijahiliya. Et ça faisait peu de temps que j'étais sorti du paganisme. Je venais tout juste de me convertir. ولنتأمل امرأة تصف إلى جنب الرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. Observons cette situation. Une femme qui entre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se met en rang avec les hommes. في صلاة الفجر. Alors qu'ils sont dans la prière du Fajr. فقال للرجل. Elle nous raconte, elle nous dit. Alors un homme m'a dit. فقال لي الرجل الذي يليني من الصف. L'homme qui était à côté de moi dans le rang m'a alors dit امرأة أنت أم رجل. Est-ce que tu es une femme ou un homme? قلت لا بل امرأة. Elle lui a dit non, je suis plutôt une femme. فقال رضي الله عنه إنك قد كدت تفتنيني فصلي في النساء. Il lui a dit, tu as failli me troubler. Va donc prier avec les femmes. Tu as failli me troubler. Va donc prier avec les femmes. وَإِذَا صَفُّ مِنَ النِّسَاءِ قَدْ حَدَثَ عِنْدَ الْحُجُرَاتِ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ حِينَ دَخَلْتُ. Elle nous dit, c'est alors que j'ai vu qu'il y avait derrière des rangs de femmes. Je n'avais pas vu cela en entrant dans la mosquée. فكنت فيهن. Je suis alors parti les retrouver. أي أنها ذهبت وصلت مع النساء. C'est-à-dire qu'elle est partie prier avec les femmes. وتعتذر لنفسها في ذلك الموقف الخاطئ أنها كانت حديثة عهد بجاهلية. أي أنها لم تكن على معرفة بالإسلام وتفاصيلها وأحكامها وهداياته. Elle s'est donné comme excuse véridique qu'elle, yani pour excuser son erreur involontaire, qu'elle venait tout juste de sortir de la jahiliya. Naam, elle n'avait pas connaissance des enseignements de l'islam, de ses règles. فَأَمَّا لِأَيَّتُوَ الْأُخْتُ الْمُسْلِمَ. Ici l'auteur s'adresse aux femmes. Il dit, médite cette situation, ô ma sœur musulmane. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. Nous sommes ici dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والزمان, quant à l'époque, ça c'est le lieu. Quant à l'époque, زمان, quant à l'époque, c'est son époque. La meilleure des époques, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époque des compagnons. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des époques, na'am, ou les meilleurs des gens, sont les gens de mon époque. وَالْوَقْتُ وَالْحَالُ. Quant au temps et à la situation, حَالٌ فَاضِلَةٌ. Quelle est cette situation? La meilleure des situations, la meilleure des époques. وَقْتُ أَدَاءِ صَلَاتِ الْفَجْرِ. Quant au moment, le meilleur des moments, le temps de l'accomplissement de la prière du Fajr. وَمَعَ هَذَا كُلِّ. Et malgré tout cela, يَقُولُ ذَلِكُمُ الصَّحَابِيُ الْجَلِيلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Ce bon compagnon nous dit, innaki qad kitti taftinini. Tu as failli me perturber. Tu as failli me meftan. Tu as failli me troubler. Wa hadha al-ma'na alladhi dhakarahu radiyallahu anhu alladhi bayyanahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Usama ibn Zayd. Et ce sens que nous a cité ici le sahabi radiyallahu anhu est le sens qui nous avait été précité dans le hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي ضر على الرجال من النساء. Je n'ai pas laissé de fitna, de trouble plus grave pour les hommes après moi que les femmes. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Le hadith de Abu Sa'id, craignez la dunya, redoutez la dunya et redoutez les femmes. Prémunissez-vous de la dunya et prémunissez-vous des femmes. Car la première fitna, le premier trouble qui a touché Banu Israël, a eu lieu par les femmes. فَخَافَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى نَفْسِ مِنَ الْفِتْنَةِ Afwan, donc, l'auteur nous dit que un sahabi, ce compagnon, a eu peur de la fitna des femmes, du trouble des femmes, alors qu'il se trouvait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la prière du Fajr. Que dire? طيب. فخاف رضي الله عنه على نفسه من فتنة من الفتنة وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فكيف الأمر عندما تخالط المرأة الرجال ليس في وقت الظلمة كهذا ولا مكان شريف كهذا وإنما في وقت وفي وضح النهار وفي الأسواق والمنتديات العامة بكمال زينتها وتمام حليتها والجمال وتعطرها مما هو خطر داهم وبلاء عظيم يدمر ويهلك ويوقع في الفتن العظام التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها. Que dire alors lorsque la femme se mélange aux hommes, non pas dans un moment sombre comme celui-ci, ni un endroit noble comme celui-là, mais c'est plutôt dans un temps où il fait parfaitement jour, dans un endroit comme les marchés, les salons, dans un endroit où elle est parée, où elle se fait belle, où elle se parfume, sans aucun doute dans ce cas-là, il y a un grand danger qui ne cesse de guetter et de faire tomber les gens dans le mal, dans le trouble. C'est de cela qu'a eu peur le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandement pour sa communauté. Wa idha kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil masjidi ببيت الله الذي هو موضع الطمأنينة والإيمان وحسن الإقبال على الرحمن جل وعلا يباعد بين النساء والرجال حيطة وحذرا ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أي أن المرأة حتى وإن كانت في المسجد ببيت الله كلما كانت بعيدة عن الرجال كان خيرا لها وأولى. Si ici, dans la demeure d'Allah, dans l'endroit de la quiétude, de la foi, dans l'endroit où nous sommes vraiment dirigés vers le tout miséricordieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éloigné entre les femmes et les hommes afin de les préserver. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon Abu Hurayra, le meilleur des rangs pour les hommes est le premier et le pire est le dernier, le meilleur des rangs pour les femmes est le dernier et le pire est le premier, plutôt au pluriel, les meilleurs des rangs. C'est-à-dire même si la femme, eh bien quand bien même la femme serait dans une mosquée, dans la demeure d'Allah, ben plus elle est éloignée des hommes, meilleur cela sera pour elle. Et sa prière accomplie dans sa maison est meilleure pour elle que la prière accomplie à la mosquée. Dans le hadith Ummi Humayd al-Sa'idiyya, قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني أحب أن نصلي معك في مسجدك هذا. قال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. وجاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمة ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال زهري رحمه الله نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال قبل أن يدركهن أحد من الرجال. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la noblesse de l'endroit et la pureté de ces gens-là, éloignait les femmes des hommes, même dans la prière, même à la mosquée. Et la prière pour la femme chez elle est meilleure que sa prière à la mosquée, comme nous l'avons cité dans le hadith de Ummu Humayl, que lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, j'aime prier avec toi. Elle lui a dit, je sais que tu aimes prier avec moi, c'est-à-dire dans ma mosquée, mais la prière dans ta maison est meilleure que la prière dans la place des femmes et la prière dans la place des femmes, ou plutôt, je ne saurais comment traduire ce passage, il m'est problématique, donc je rechercherai la traduction inshallah ta'ala du hadith. Et la prière dans ta maison est meilleure que la prière faite dans la mosquée de ton peuple, et la prière faite dans la mosquée de ton peuple est meilleure que ta prière faite dans ma mosquée. C'est-à-dire que plus la femme est préservée et cachée, et dans sa pièce privée, meilleure sera sa prière. Et dans le cas de l'imam muslim, hadith Ummu Salama, elle nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le taslim, c'est-à-dire concluait sa prière, les femmes se levaient dès qu'il finissait sa prière, dès qu'il faisait le taslim. Elles se levaient, c'est-à-dire elles faisaient le taslim et elles partaient. Et lui restait à sa place un court instant. Il restait à sa place, il restait en direction de la Qibla. Naam, il restait à sa place, yasiran, un court instant, avant même de se lever. L'imam Az-Zuhri, un des plus prédécesseurs, dit: et on considérait que cela, et Allah est plus savant, qu'il faisait ça afin que les femmes puissent partir sans être atteintes par les hommes. On considérait, Wallahu A'lam, et quelle est l'explication du hadith? Même Zuhri disait que l'on considérait, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs considéraient que cela était fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que les femmes puissent partir, c'est-à-dire quitter le masjid, sans être rattrapées par les hommes. Et ça c'est une sunnah, et on invite les gens à faire cela, particulièrement le jour du Jumu'ah. Les hommes se lèvent et partent rapidement, puis les femmes ont du mal à partir. Ajoutez à cela que les gens nuisent au chemin et restent devant la porte, restent devant le masjid et ne laissent pas le passage pour les femmes. Donc ça c'est une sunnah. Lorsque l'imam fait at-taslim, c'est-à-dire dit à la fin de la prière, après le dernier tashahoud, après le dua, assalamu alaikum wa rahmatullah, après le dernier taslim que l'imam fera, l'imam reste en direction de la Qibla. Et il dit, Allahu Akbar, ou bien trois fois Allahu Akbar, puis Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, ou bien directement Astaghfirullah. Tout cela, il le dit alors qu'il est encore comme il était en salat. C'est-à-dire, il se dirige encore vers la Qibla. Après seulement, c'est ça la sunnah, il se tourne vers les gens. Et c'est qu'à ce moment-là que les gens se lèvent s'ils veulent partir. Wadih? Quand l'imam fait at-taslim, tu ne bouges pas de ta place. Tu attends qu'il se tourne vers toi. À ce moment-là seulement, tu peux te lever pour partir si tu dois partir. Mais le meilleur, comme on l'a vu dans les cours sur l'adhkar, comme l'a dit Cheikh Abdurrazzaq Hafidhahullah Ta'ala, c'est de faire son dhikr. C'est de faire son dhikr. Et plus la personne viendra tôt, plus elle aura du mal à quitter la mosquée. Et plus elle prendra plaisir à faire son dhikr. Naam. Et de là, tu comprends l'erreur de certaines personnes lorsqu'ils viennent voir leur frère alors que leur frère font leur zikr. Ou bien que la sœur va voir sa sœur alors que sa sœur fait son zikr. Elle la dérange dans cela. Ou bien il vient voir l'imam pour un besoin alors qu'il fait son zikr. Tout cela ne fait pas partie du meilleur des comportements, sauf cas de force majeure ou cas particulier. Donc tous ces textes nous montrent al-bu'd min al-ikhtilat ou an al-ikhtilat, le fait de s'éloigner de la la mixité. Wa ja'a fi kitabillahi jalla sha'nu ma yadullu 'ala anna al-bu'da 'an al-ikhtilat kana mawjudan fi al-umam as-sabiqa. Et nous est venu dans le livre d'Allah, élevé soit son rang, des choses qui nous montrent, des récits qui nous montrent que ce comportement, c'est-à-dire le fait de s'éloigner de la mixité, est un caractère qui était présent dans les communautés passées. Dans Surat Al-Qasas, verset 22-23-24. Une histoire de Moussa avec Mada, lorsqu'il s'est rendu à Madian, au point d'eau. قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وفسقا لهما عليه صلوات الله وسلامه. Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, il y trouva un attroupement de gens abreuvant, c'est-à-dire leurs bêtes. Et il y trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit, que voulez-vous ? Elle dit, nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Il l'abreuva pour elle, c'est-à-dire il abreuva pour elle leurs bêtes. Faya ayyatuha al-mar'atul muslima, ô toi la femme musulmane, ittaqillaha jalla wa ala, prémunis-toi d'Allah, élevé soit-il, crains Allah, élevé soit-il, fa innaki satalqayna azza wa jal, car sans aucun doute tu vas le rencontrer, wa mimma tus'alina an. Et parmi ce sur quoi Allah te questionnera yawm al-qiyamah, amalaki bihadhi at-tawjihati wa hadhi al-irshadat al-mubarakati fi kitab Rabbi al-Bariyat wa fi ahadith ar-Rasul alayhi as-salatu was-salam, fa inna fi taqwallahi 'azza wa jal wa luzuma shar'ihi wa at-tamassuk bi-ahda bid-din wa adabihi عز المسلم وفلاحه وسعادته في الدنيا وأخرى. Et tu seras également questionné le jour de la résurrection sur ses parfaites orientations, ses enseignements bénis tirés du livre du Seigneur des créatures et des récits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certes dans la crainte d'Allah, l'observation de sa législation et le fait de s'accrocher à la religion, à ses nobles caractères, la suprématie pour le musulman, le bonheur et la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Wa min ad-da'awat al-'azimah fi hadha al-bab ma rawahu Abu Daoud wa ghayruhu min hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma qala ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات كل يوم إذا أصبح وأمسى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه أبو داود وابن ماجه. والدعاء بأمن الروعات وستر العورات كما أنه جاء وظيفة في جملة أذكار الصباح والمساء فإنه ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مطلقا يدعو به المسلم كل وقت وحين ففي المعجم الكبير للطبراني رحمه الله تعالى عن خباب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني فجدير بالمسلم أن يعتني بهذا الدعاء وأن يوصي أبناءه وبناته بالمحافظة عليه والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. Donc après nous avoir dit que la femme musulmane sera appelée à comparaître devant son Seigneur et qu'elle sera questionnée sur les enseignements du Coran, les enseignements de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que si elle craint Allah tabaraka wa ta'ala et observe sa législation et ses enseignements, elle aura tout le bien, la réussite et la tranquillité dans ce bas monde et l'au-delà. L'auteur, hafidhahullah ta'ala, nous dit, et parmi les grandes invocations dans ce chapitre, ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, autre que lui, selon le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais ses invocations, que ce soit le matin ou le soir. Ô Allah, je te demande d'être préservé dans ce bas monde et l'au-delà. Ô Allah, je te demande le pardon et la sécurité, ou bien la préservation dans ma religion, dans mes affaires mondaines, dans ma famille, dans mon argent. Ô Allah, préserve ma nudité et mets-moi à l'abri de ce que je redoute. Ô Allah, préserve-moi de ce qu'il y a devant moi, derrière moi, au-dessus de moi, ou plutôt à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi, et je cherche protection, refuge auprès de ta grandeur, afin de ne pas être touché par une chose survenant en dessous de moi. Cette dua, dans cette dua, il y a le fait de préserver sa awra, na'am, sa nudité et ses affaires cachées. Cette invocation est venue ici dans les invocations du matin et du soir. Mais sachez également que cette invocation est venue de manière absolue, c'est-à-dire que tu peux la prononcer à n'importe quel moment, c'est-à-dire le fait de demander à Allah de te préserver ta nudité, tes chaux, et te mettre à l'abri de ce que tu redoutes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Khabbab, radiallahu anhu, dans le recueil, celui-ci est dans le recueil d'Imam al-Tabarani, Afwan Na'am al-Tabarani, dans le Mu'jam al-Kabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Oh Allah, cache ma nudité. Et mets-moi à l'abri de ce que je redoute. Et acquitte-moi de mes dettes. Et paye mes dettes. » C'est vraiment une excellente chose pour le croyant d'accorder l'importance à cette invocation et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec celle-ci. Et on recommande et de recommander, na'am, et de recommander à ses enfants, parmi les garçons et les filles, le fait de préserver ces invocations. Yani toi, dis cette dua, na'am, puis encourage tes enfants, garçons et filles, afin qu'eux aussi préservent ce dhikr. Et la réussite n'est que dans la main d'Allah, seul, sans associé. Ta'ibtum, est-ce que vous êtes fatigué? Am nuwasil. عندك أحمد ها ما تتحمل مسؤولية tu ne veux pas prendre la responsabilité de l'arrêt ou de la continuité du درس نعم أشير إلي conseillez-moi أش رأيك نعم نعم moi je suis fatigué صدقت moi je suis fatigué. C'est car j'ai des allergies et j'ai mal aux yeux. Alhamdulillah. Aktafi bihada. Vous avez probablement honte de dire que nous arrêtons, donc je vais le faire pour vous. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sha'nana kullah. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح فتيات المسلمين اللهم أصلح فتيات المسلمين اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا وأكرمهن بالجنة بالفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين واجمعنا مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا معهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك demain exceptionnellement il n'y aura pas cours demain exceptionnellement il n'y aura pas cours car il y aura des travaux dans la mosquée et la partie et sachez également que la partie des femmes après le Jumu'ah sera défaite donc elles n'auront pas accès à la mosquée pour quelques pour un certain temps Allahu a'lam combien de temps Naam, probablement quelques jours. Probablement quelques jours. Quant à notre cours de demain, Naam, il sera reporté. Quant à notre cours de demain, il sera reporté, Insha'Allahu Ta'ala. Et vous regarderez sur le site de la Voie Droite, Insha'Allahu Ta'ala, le nouveau programme. Naam, dans la semaine, dès que possible, on reprendra. Dans la semaine, dès que possible, on reprendra. Si les travaux sont finis lundi ou Asr, par exemple, on reprendra lundi ou Asr, sinon mardi, et ainsi de suite. Dans le cas contraire, on reprendra comme à notre habitude. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé par le biais du site. Jazakumullahu khayra.